Un miracle par André Theuriet. Chapitre 1er. On prétend que la rose de Jéricho, plongée dans l'eau bouillante, reprend sa forme et sa couleur primitive. Certains phénomènes extérieurs ont sur notre mémoire la même action revivifiante. Nos souvenirs sont comme des roses de Jéricho. Un parfum, un vieil air, un bruit insignifiant ressuscitent tout à coup pour nous les heures du passé dans toute leur fraîcheur d'autrefois. Ainsi, ce matin, le bois vert qui se tord sur la braise, avec des jets de flammes bleues et un rapide sifflement, me reporte au temps de mon enfance et me rappelle les matins de ma 10e année dans la chambre de ma grande-tante. Je revois la chambre, située en contrebas de la cuisine, haute de plafond, lambrissée de noyers vernis et décorée dans le goût du 18e siècle, avec des panneaux représentant des scènes de chasse et des bergeries. Le lit de bois peint, dans l'angle, sur la console, un groupe de faïence de Lunéville, figurant les quatre éléments. Dans l'un des tiroirs ouverts du chiffonnier, une tapisserie aux petits points et un volume des tragédies de Voltaire. À l'abri d'un paravent à personnages, la cheminée à trumeaux, où brûlait un feu de souche et de brindilles de poirier, débris de la taille des arbres du jardin. Et au coin du feu, je revois la grand-tante, alerte encore en dépit de ses 70 ans, droite et proprette dans sa robe d'alépine brune, avec un fichu d'indienne croisé sur sa poitrine et un bonnet lorrain à tuyaux, encadrant sa longue figure un peu virile. Son tour de cheveux bruns, ses yeux bleus renfoncés, son nez aquilin et son menton de galoche lui donnaient au repos une expression sévère et imposante. Mais quand sa grande bouche spirituelle souriait, tout le visage s'illuminait et on se retrouvait à l'aise. Sa jeunesse s'était épanouie à la fin du siècle dernier. Elle avait conservé les façons de vivre et de penser, les engouements et les habitudes de ce temps-là. Voltaire, Diderot et Jean-Jacques étaient ses auteurs de prédilection. Elle récitait des tirades entières de Zaïre et de Tancrède. Elle fredonnait des airs de Grétry ou bien la belle bourbonnaise en préparant ses confitures. Incrédule en matière religieuse, ayant son franc-parler sur toute chose, irascible et emportée dans la discussion, grande liseuse, romanesque et sensible dans l'acception qu'avait ce mot vers 1790, elle passait pour une indépendante et un esprit fort. Quant à moi, je la tenais en grande vénération, parce qu'elle me contait de belles histoires du temps jadis. Elle avait, comme dit Molière, des clartés de tout. La multiplicité de ses connaissances, sa perspicacité, son intuition rapide m'inspiraient une admiration mêlée d'une certaine dose de crainte. En été, quand elle me permettait d'aller dans son jardin, elle ne manquait pas de me recommander, en grossissant sa voix, « Surtout ne touche pas aux framboises, je les ai comptées !» Au bout de 5 minutes de promenade au long des framboisiers, dont les fruits grenus, d'un rouge transparent, pendaient par centaines aux ramures touffues, je ne résistais pas à la tentation, et pour m'encourager, je me répétais en lorgnant les framboises. « Bon, c'est impossible que la tante Thérèse ait pu les compter toutes !» J'en escroquais 4 ou 5, puis, après avoir bien gambadé, je m'en revenais d'un air innocent vers la chambre de la grand-tante, sans me douter que le parfum des fruits défendus était traîtreusement resté sur mes lèvres. « N'as-tu touché à rien ? » s'écriait-elle en m'apercevant, et comme je jurais, mes grands dieux, que non, elle ajoutait « Approche ! Souffle !» Je m'exécutais. Alors elle levait le doigt, et roulant de gros yeux, « Tu as mangé des framboises, je le sais !» Et je me voyais honteusement forcé de confesser mon larcin. Aussi n'étais-je pas éloigné de la croire un peu sorcière. Oh, ce jardin de l'ancien temps, plein de fleurs autrefois la mode, aujourd'hui dédaignées. Quand je rencontre quelques-unes dans les recoins d'un parterre moderne, j'éprouve la même impression que lorsque j'entends fredonner des airs du Déserteur ou de l'Odoïska. Il y avait des bordures d'oreilles d'ours, des plates-bandes où les roses trémières s'élançaient orgueilleusement vers le ciel, où les œillets d'Inde alternaient avec les mignotises et les croix de Jérusalem. Il y avait un appentis tout tapissé de l'aristoloche, et 3 pruniers de reine Claude, dont les vieilles branches crevassées distillaient des gommes d'or translucides, et de l'autre côté d'un petit mur bas, au parement duquel dormaient de brunes chrysalides, s'étendait, parallèlement au nôtre, le jardin des demoiselles Pêche, les couturières, dont l'atelier était le mieux achalandé de la ville. Tout en baguenaudant le long des framboisiers, j'entendais le babil des apprentis, le craquement des étoffes déchirées, et aussi parfois la voix aigrelette de mademoiselle Sélénie Pêche, qui entonnait un cantique, car, par un singulier contraste, les voisines de ma voltairienne grand-tante étaient de pieuses filles qui consacraient à l'église tout le temps que leur faisait le métier de couturière en robe. Mademoiselle Hortense Pêche, l'aînée, grande, solide, charpentée comme un homme, avec un nez camard, de gros sourcils, une large bouche et un soupçon de barbe au menton, était la doyenne de la congrégation du Rosaire. Sa sœur, Mademoiselle Sélénie, maigre, vêtue de noir comme une religieuse, ayant toujours à la ceinture un chapelet dont les médailles cliquetaient au moindre mouvement, raccommodait les devants d'autel et les surplis du curé. Les murs de l'atelier étaient ornés d'images d'Épinal, naïvement coloriées en rouge et en bleu, les douze stations, le juif errant et le bon pasteur portant un agneau sur ses épaules. Quelle différence avec la chambre de ma grand-tante, où les gravures pendues entre les panneaux représentaient l'amour et Psyché, l'amour désarmé et la naissance de Vénus. Néanmoins, malgré la mine austère de Mademoiselle Sélénie, les moustaches de Mademoiselle Hortense et l'atmosphère dévote du logis, l'atelier ne me déplaisait point, et les jours de pluie je me glissais dans la maison des demoiselles Pêche, qu'une cour commune mettait en communication directe avec l'habitation de ma tante. Les vieilles filles m'ennuyaient bien un peu en me questionnant sur mon catéchisme, mais elles me bourraient de friandises, et je ne détestais pas d'entendre les cantiques entonnés avec onction par Sélénie et repris en chœur, à toute volée, par les voix fraîches des ouvrières. J'avais trouvé encore un autre lieu de refuge pour les dimanches pluvieux. C'était un cabinet attenant au grenier et servant à la fois de fruitier et de débarras. Ma grand-tante y rangeait ses confitures et faisait parer les fruits de son berger. En automne, ce réduit exhalait une savoureuse odeur de poire et de pommes. Les chasselas dorés étaient étalés sur des volettes d'osier. Les rousselets, les crassanes et les beurrelles d'hiver y attendaient dans l'ombre l'heure de la complète maturité. Dans ce cabinet, tapissé d'un papier bleu en lambeaux, il y avait un fauteuil aux bras cassés, un carquois plein de flèches, rapporté par un vieux cousin qui avait été aux Indes, et une grosse caisse pleine de livres. L'accès de ce sanctuaire m'était rigoureusement interdit, mais je me moquais de la défense, et pendant les interminables parties d'impérial qui absorbaient l'attention de ma tante, je me glissais en tapinois, irrésistible poussé par l'attrait de tous ces fruits défendus, les poires du dressoir et les vieux livres de la caisse. Il y avait de tout parmi ces bouquins de Bazaine à tranches rouges, le bon et le mauvais, le médiocre et le pire, l'histoire philosophique des Indes et la guerre des dieux, le contrat social et les liaisons dangereuses. Mon bon génie permit que mon choix tombât sur l'ouvrage le plus inoffensif, Don Quichotte, traduit par Florian, en six petits volumes ornés d'estampes amusantes qui attirèrent tout d'abord mon attention. Mon cœur bat encore au souvenir des délicieux après-midi de congé passés en compagnie de l'ingénieuse Hidalgo. Dès les premières pages, j'avais été empoigné. Sitôt que j'avais une heure de liberté, je grimpais au grenier et je m'installais dans le fauteuil délabré près de la lucarne qui ouvrait sur le jardin. Don Quichotte me passionnait. La cruelle ironie de Michel Cervantes m'échappait absolument. Le côté chevaleresque seul m'intéressait. J'avais pris au sérieux mon héros de la triste figure et je m'indignais des coups de bâton qui pleuvaient de rue comme grêle sur sa maigre échine. Sancho ne me plaisait qu'à demi, je le trouvais prosaïque. Mais mon cher chevalier, comme je m'identifiais avec lui, comme je me mettais de moitié dans ses enthousiasmes et comme je souffrais de ses déboires. Je ne rêvais plus qu'aventure et coups de lance. L'incomparable Dulcinée m'apparaissait aussi belle et imposante qu'elle était sortie du cerveau fêlé du pauvre Hidalgo. Je chevauchais avec lui dans les plaines ensoleillées de la Manche, à travers les gorges sauvages de la Sierra Morena. Pendant ce temps, les cloches de vêpres sonnaient lentement, et le grand Citiz qui montait jusqu'au toit frôlait doucement les vitres de la lucarne avec ses longues grappes jaunes. Je savais par cœur des pages entières de mon Don Quichotte, et je n'avais plus qu'un désir en tête, trouver une Dulcinée à laquelle je consacrerais mon amour et toutes les actions d'éclat que je ne pourrais manquer de faire par la suite. Je n'eus pas à chercher bien loin. Dans l'atelier Pêche, tout bourdonnant de refrains de cantiques, je vis un jour entrer avec sa mère une petite fille du quartier qui avait à peu près mon âge et qui s'appelait Francine. Elle était mignonne, un peu maigre et pâle, avec un front bombé et des lèvres très rouges. Son teint mat, ses yeux noirs et de longues tresses brunes qui lui tombaient dans le dos, lui donnaient un air espagnol. Je ne l'eus pas plus tôt aperçu que mon choix fut fixé et sans qu'elle s'en doutât, elle devint la dame de mes pensées. Nous étions de la même paroisse, et j'eus bientôt découvert le banc où elle se plaçait à la grand-messe. J'étais l'un des premiers arrivés, et quand à la fin de l'introïte, je la voyais passer de loin, enveloppé dans sa mante bleue, mon cœur battait à grands coups, et il me semblait que les dévotes agenouillés autour de moi lisaient mon émotion sur mon visage. Quel bon moment que ces stations à l'église! Le curé entonnait le Gloria. Les enfants de chœur en soutanelle rouge se rangeaient sur un banc à gauche du maître-autel. L'orgue alternait avec le plein chant, et quand les fidèles se levaient à l'évangile, je me dressais sur la pointe des pieds pour apercevoir, à travers les fines fumées bleuâtres de l'encens, le sommet de la tête brune de Francine. Que ceux qui seraient disposés à rire de cet amour éclos dans un cœur de bambin veuillent bien se souvenir de leur enfance et songer que lorsqu'on a 10 ans, les moindres émotions prennent de l'importance en raison inverse de la petite taille de ceux qui les ressentent. À cet âge-là, un bois d'un arpent a l'air d'un domaine sans limite. Une leçon mal sue et une veste déchirée sont des catastrophes. Et un amour d'écolier a le sérieux, les transes et les joies d'une grande passion. Seulement, ces amours-là se contentent de peu et, riches de leur propre fond, se nourrissent pour ainsi dire d'eux-mêmes, comme ces plantes grasses qui poussent sur les roches et qui s'alimentent de la substance charnue de leurs feuilles. Je voyais Francine une heure à peine tous les dimanches et je ne lui avais jamais parlé, mais je me trouvais heureux de l'adorer en secret et de l'associer à mes rêves, à mes châteaux en Espagne. Je prononçais 100 fois par jour son nom tout bas, comme ces dévots qui ne peuvent bien prier qu'en remuant les lèvres. Mais il me montait aux joues un pied de rouge quand on la nommait devant moi, et j'avais une peur bleue que les demoiselles pêches ne vinssent à lire mon secret dans mes yeux. Je me rattrapais une fois niché dans mon fruitier. J'en avais fait mon sanctuaire, et je l'avais consacré à mon idole. Perché sur le fauteuil aux pieds inégaux, j'avais gravé ses initiales dans un recoin sombre du mur d'où elle ne rayonnait que pour moi. C'est là que j'ai rimé aussi mes premiers vers en son honneur. Je ne sais plus trop comment débutait ce beau morceau, mais j'ai retenu la dernière strophe. « Ô Francine, je t'aime, et t'aimerai toujours, jusqu'à ce que la parque blême tranche le fil de mes jours. » Cette parque blême sentait furieusement les lectures mythologiques du fruitier et les ressouvenirs classiques dont était peuplé le logis de la grande tante. Mais je n'en étais pas moins fier de ma strophe finale, et je me la répétais du matin au soir, à satiété, comme le loriot qui n'a que 3 notes et qui le redit tout le long du jour sans se lasser. On était alors à la fin du printemps. Après le dîner, mon père et ma mère m'emmenaient avec eux dans la campagne. Nous faisions le tour de la promenade des saules, eux marchant en avant sous les platanes, moi courant à droite et à gauche entre les 2 avenues parallèles. Il y avait là un bon bout de prairie à l'herbe drue, un peu humide à cause du voisinage de la rivière, et coupé çà et là de chenevières, avec des trous pleins d'eau, où les paysans font rouir leurs chanvres, économes chez nous des routoirs. Mais cette humidité donnait au pré un charme de plus, à cause des fleurs, sauges, marguerites et mélilots qui foisonnaient plantureusement. Un soir de juin, tandis que mon père et ma mère s'enfonçaient sous l'avenue et que je flânais au bord des talus, j'aperçus tout d'un coup, à l'autre extrémité de la prairie, un groupe de fillettes occupées à cueillir des marguerites. J'avais de bons yeux. Je reconnus l'uniforme du pensionnat de Francine, et parmi l'herbe verte, je distinguai ma dulcinée à la menthe bleue. La dame de mes pensées était là, à 100 pas de moi. C'était le cas ou jamais de me montrer à elle, la lance au poing, comme un preux chevalier. J'eus bientôt cueilli une poignée de sauges et de coquelicots. Mon projet était d'accourir, bride abattue, vers Francine, en levant ma lance, c'est-à-dire la gaule de noisetier qui ne me quittait plus. Je devais ensuite jeter rapidement mes fleurs à ses pieds, en faisant faire une courbette à mon coursier imaginaire, puis m'enfuir mystérieusement au galop de ma monture, après avoir rendu cet hommage à la reine de mon cœur. Donc, rajustant sur ma tête ma toque polonaise, que je métamorphosais par la pensée en un casque empanaché, serrant ma botte de fleurs et brandissant ma gaule de coudrier, je m'élance à travers l'herbe épaisse. Tout en chevauchant, je regardais amoureusement la menthe bleue, tout là-bas, et je répétais ma fameuse strophe. « Ô Francine, je t'aime, et t'aimerai toujours, jusqu'à ce que la parque blême. » Plouf ! Le pied me manque, et je tombe dans un routoir qui ouvrait traîtreusement à fleur de terre son trou plein d'eau sous la grande herbe.